Micro ouvert. Ça chante, hein? Chantez pas, vous. C'est vous là-bas qui chante. Vous connaissez pas les paroles? Non, pas. Vous inquiétez pas, je suis un chanteur immédiat, hein, je suis avec vous. Hein. Oui, bah merci. Ouais. Catastrophe! Catastrophe! Alles digital! Catastrophe! Alles digital! Catastrophe! Alles digital! C'est du néerlandais, ça? Oui. Ça veut dire quoi en français? Tout digital, c'est catastrophe. Ah! Alles digital! Catastrophal! Alles digital! Catastrophal! Alles digital! Catastrophal! Alles digital! Et quoi, vous lisez votre... Voilà. Quelqu'un lit? Quand on essaie d'expliquer au téléphone avec quelqu'un de l'administration, c'est souvent plus difficile. Ils nous disent d'envoyer un mail ou certains nous accrochent carrément au nez. C'est vous qui l'a... Non, c'est lui qui l'a écrit. Ah oui, voilà. Donc c'est des gens qui ne savent pas lire ni écrire. Ouais. Et vous êtes qui, vous? Formatrice. Ok. Et là, une autre. Au chômage, c'est email. Au CPAPS, c'est email. C'est beaucoup. Tu fais toutes choses. Pour quelqu'un qui n'a pas été à l'école, c'est difficile. Bah ouais. Il y a combien de personnes, là? C'est chouette parce qu'on n'est sympa, on n'est pas 50, on est plus quand même. Hein. Plus ouais, de... Hein. Ouais, c'est chouette. Plus de 100. Ça, j'en sais rien, mais oui, ça sûrement, plus de 100. Oui. Ouais. je suis nulle pour... Donc on se retrouve devant la commune de Schaarbeek. Et il est bientôt midi, dans un quart d'heure. Vous allez parler, vous avez un micro? Oui, je vais. Moi, je distribue la parole. Ah ouais. Donc j'ai le micro. On va distribuer la parole pour que on puisse dire certains témoignages d'apprenants en alphabétisation qui occupent nos cours. Ouais. Et témoignages sur la difficulté de. Ben on est au courant déjà. Du passage au tout numérique. On est au courant. C'est eux qui veulent pas entendre. Oui, mais vous c'est un média alternatif. Ah d'accord. Voilà, si tu veux, je te donnerai une petite carte, tu pourras... Mais Caroline est au courant, tu pourras réécouter tout ce qui se fait. Mais bon, ils sont déjà au courant, tout le monde est au courant que c'est compliqué, le tout numérique. Oui, mais voilà, et comme c'est la journée internationale de l'alphabétisation, on va surtout parler des analphabètes aussi, pour qui c'est encore plus compliqué. Oui, mais il faudrait aussi discuter d'une stratégie efficace pour que ça bouge. Ah oui, d'accord. Il faudrait peut-être aller dans la commune. Oui, peut-être. Ouais. Dans la maison communale. Oui. Vous n'avez pas envisagé ça? Pas encore, pas aujourd'hui. Aujourd'hui on témoigne. Encore. Mais moi je suis lire et écrire depuis déjà 2-3 ans là. Et chaque fois c'est. Voilà. Maintenant ça commence à être action. Mais... Ouais. Il y a différents rassemblements qui vont être faits dans le mois qui vient. Hein. Contre l'ordonnance numérique. Et donc c'est pas fini, ça c'est une manifestation, mais il y en aura d'autres. Ouais, c'est sûr. Après, avec des stratégies d'attaque qui portent leurs fruits aussi, tu vois ce que je veux dire? Parce que j'ai envie d'aller voir un peu dans la commune, moi, qui s'y trouve. Merci, hein. Bah, tu vas... Quand est-ce que ça démarre? À midi, en fait. Ça va, Caroline? Oui, ça va. Et tiens, oui, ça va. Bah écoute, ça fait déjà plusieurs années que je suis là, moi. Oui, tu me suis. Hein. Mais je me demandais, tiens, la stratégie, ça aurait été bien de faire dans la maison communale. Hein. Parce que Ici, on va parler, on va dire des choses qu'on sait déjà tous quelque part, mais c'est eux. Il faut savoir qu'on a déjà rencontré le cabinet du bourgmestre. Et si tu veux, Anne t'en dira plus, beaucoup plus, parce que c'est elle-même qui a fait la rencontre et qui est la directrice générale de l'Iréécrire. Et tu sais, alors l'idée c'était de faire une film, mais comme tu vois... C'est pas mal comme ça aussi. Ouais. Hein. Il y a du monde, hein, quand même. Oui, peut-être qu'on devrait rentrer dans la maison communale, ouais. Mais oui, parce que c'est ça l'idée, c'est qu'on dirait qu'ils n'entendent pas ou qu'ils ne veulent pas entendre, donc il faut... Et voilà. Bientôt, on va crier très fort. Ils vont tous sortir. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça que je voulais faire. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Ne vous inquiétez pas, c'est la radio, on vous voit même pas. Ah, c'est tranquille, hein? On vous voit pas. Hey. Ça va? Je suis en plein enregistrement. Hein. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais visionner un film et donc du coup, j'apporte un sandwich aux gens qui visionnent les films avec moi. C'est bien, et quel film? Alors là, c'est La vie en papier. La vie en papier? Oui, mais je suis en retard. Ben, file alors, hein. C'est Bavoyon. Voilà, ouais, c'est drôle, ça, on croise Bavoyon dans... Allez, bonne route et bonne rentrée, hein. Donc, la commune de Scarbec. Vous êtes un passant. Vous ne travaillez pas à la commune. Hein. Non, pas du tout. Ah, ça démarre, non. Vous êtes au courant de ce qui se passe, là? C'est chouette, non? Oui, non, ils ont bien raison. Après, on ne sait pas si ça va être entendu. Oui, c'est sûr, évidemment, mais ils ont l'air de se faire entendre, là. Il y a pas mal de gens, c'est bien. Oui, au début, c'était pas beaucoup, mais là, ça va. Ça commence à venir, mais c'est cool. Ouais, c'est cool. C'est une bonne démarche. Ouais. Donc là, je parle avec les gens qui sortent de... Et qui rentrent de la commune. La maison communale, ouais. Je pense que... Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, je m'appelle Anne Copit. Vous auriez dû faire des petits essais avant. Oui, on aurait dû. Je pense que le vent fait beaucoup. Ça va comme ça, voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Anne Copiters. Je suis désolée d'être dans cette position un peu bizarre, mais sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, j'ai le plaisir d'être la directrice générale de l'Iréécrire Bruxelles. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer d'abord par remercier pour cette mobilisation autour de la Journée internationale de l'alphabétisation. Merci aux associations qui se sont rassemblées ici aujourd'hui et merci aux équipes de l'Iréécrire. Alors, aujourd'hui, nous mobilisons dans le cadre de la Journée internationale de l'alphabétisation avec un sujet qui nous préoccupe très spécifiquement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dématérialisation des services de première ligne et des services d'intérêt généraux. C'est quoi la dématérialisation des services d'intérêt généraux? C'est le remplacement progressif qu'on constate à tous les niveaux de pouvoir et dans les services privés et dans les entreprises privées. C'est la disparition progressive des guichets physiques, qui sont remplacés progressivement par des ordinateurs, des connexions Internet, des applications. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes particulièrement mobilisés autour de ces enjeux aujourd'hui? Parce que notre public, qui est un public en difficulté de lecture et d'écriture, est particulièrement impacté par cette question. Pour réussir à garder le contact en lien avec cette dématérialisation, nous le rappelons, il faut du matériel, il faut une connexion et il faut savoir lire et écrire. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ce public, qui aujourd'hui, on estime les personnes en difficulté lecture et écriture en Belgique à 10%, on constate que ces personnes, progressivement, abandonnent leurs droits face à ces difficultés liées au guichet. Qui dit augmentation, non-accès aux droits, dit également augmentation des questions en lien avec la pauvreté. Ce qui nous préoccupe aussi aujourd'hui, c'est qu'on l'a vu dans le cas de la crise sanitaire. Ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est que non seulement notre public est directement impacté par ces questions, mais qu'aujourd'hui, en l'absence de guichet, c'est le monde associatif qui est obligé de prendre le relais. On l'a tous vécu pendant la crise. Ce sont des personnes qui, dans le cadre de nos cours d'alphabétisation et d'autres services que nous rendons à la population, dans le cadre de nos associations, c'est nous qui devons compenser la disparition des guichets de première ligne. Ça nous pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est que nous ne sommes pas spécialistes de ces questions. Nous nous improvisons spécialistes sur le remplissage d'une déclaration fiscale, sur le fait d'inscrire des enfants à l'école, sur nous devenons éventuellement des banquiers par rapport à ces besoins et cette numérisation des services d'intérêt généraux. Cela nous pose également problème parce que ça ne nous permet plus de faire nos métiers. Non seulement nous ne sommes pas spécialistes de ces questions-là, mais nous ne faisons plus nos métiers. Notre métier à lire et écrire est d'alphabétiser et de travailler sur les questions d'alphabétisation des personnes et des publics qui viennent chez nous. Alors, pourquoi se mobiliser à la commune de Schaerbeek? Parce que d'abord, c'est une commune et que nous pensons que la commune est le premier accès aux droits. Sans carte d'identité en Belgique, sans permis de séjour provisoire, il est impossible de réclamer ses droits. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes à la commune ici. Par ailleurs, aussi. Donc nous ne stigmatisons absolument pas la commune de Schaerbeek parce que nous pensons et nous sommes dans les lieux de concertation que la commune organise autour de ces questions-là. Nous savons que la commune de Schaerbeek fait beaucoup d'efforts sur ces questions-là. Et donc, voilà. Ça va mieux comme ça. Pas d'office. Bon. Donc, nous ne stigmatisons pas spécifiquement la commune de Schaerbeek parce que nous savons qu'elle fait beaucoup d'efforts en matière Il y a une volonté politique de la commune de Schaerbeek de garder des guichets ouverts. Ils fonctionnent par essai erreur, mais on sait qu'il y a cette véritable volonté politique et nous sommes dans les comités de concertation que la commune organise autour de ces questions-là. Par contre, nous sommes ici à la commune de Schaerbeek parce que c'est la commune de Claire Failly, de Monsieur Claire Failly, notre ministre, donc c'est le bourgmestre empêché de la commune de Schaerbeek, parce qu'il est aujourd'hui le ministre bruxellois de l'emploi et de la digitalisation. Aujourd'hui, Monsieur Claire Failly a dans son plan d'action la volonté d'instaurer la digitalisation par défaut des services publics. Il y a deux plans d'action qui sont mis sur la table aujourd'hui au niveau de la région bruxelloise et qui doit toucher tous les niveaux de pouvoir. C'est le projet Smart City 2024, Bruxelles Smart City 2024, et c'est l'ordonnance bruxelloise du numérique, dont on ne connaît pas trop le contenu, mais on sait aujourd'hui qu'il y a cette volonté d'instaurer le digital par défaut. Donc c'est bien les raisons pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui. Par ailleurs, une autre manifestation se tient en ce moment à la Tour des Finances parce que effectivement, la déclaration fiscale est le symbole de cette dématérialisation dont on perd le contrôle puisqu'il n'y a pas eu non plus de débat citoyen autour de cette question de dématérialisation. Alors, que rajouter ? Alors, donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Sachez qu'il va y avoir un micro ouvert là pendant une heure et demie où vous allez pouvoir témoigner et que cette campagne continue. à travers les réseaux sociaux et sur notre site internet, puisqu'on a une lettre ouverte qu'une centaine d'associations aujourd'hui a signée pour défendre cet accès et la problématique de la dématérialisation des services publics. Voilà, donc nous vous appelons à aller signer cette lettre ouverte. Depuis aujourd'hui, elle est accessible à tous les citoyens. Comme le dit mon collègue qui est à la Tour des Finances pour le moment et qui fait le même exercice que moi, n'oublions pas, le combat continue. Commence. Bon. Justement, je me demandais si vous étiez chaud. Je propose un petit slogan très simple. Après ça, on fera quelques interventions et des témoignages de personnes qui occupent les formations d'alphabétisation par rapport au problème du numérique. Mais entre-temps, vous pouvez évidemment crier et chanter si vous voulez et faire une magnifique file comme vous le faites maintenant. Très belle file. Mais c'est symbolique. Alors, premier, pour voir si ça marche, si vous êtes là avec nous, on va juste dire: on n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. J'en ai un autre. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. Ok, gardez celui-ci en tête. Gardez celui-ci en tête, je vous en donne un deuxième, comme ça vous pouvez alterner. Ça va? Coordonnez-vous comme vous pouvez. Alors, les guichets de demain, avec toujours plus d'humains. Les guichets de demain, avec toujours plus d'humains. Les guichets de demain, avec toujours plus d'humains. Les guichets de demain, avec toujours plus d'humains. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. Les guichets de demain, on n'est pas des numéros. Plus fort, un peu plus fort. On est plus gros là au-dessus. On leur fait une fois, puis on va passer au premier témoignage. Ok? C'est parti. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. On n'est pas des robots, on n'est pas des numéros. Chef de demain. Avec plus d'humains. Vous êtes formidables. Alors, je propose qu'on passe. Bien. Ah ok, oui c'est vrai. En fait, ici le micro ne sert pas qu'à moi ou à mes collègues, mais si vous avez envie de venir dire quelque chose, témoigner, scander un autre slogan, le micro est disponible. Alors je ne peux pas passer dans la foule parce que sinon la connexion se perd. Donc si vous voulez venir dire quelque chose, venez ici et on vous passe le micro sans aucun problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un là maintenant? Ah ben voilà, c'est parti. Le doigt de digital quid de ceux qui l'auront toujours dans le cul. Pour cette magnifique mobilisation. Nous sommes ici avec Roberto au nom du syndicat des immenses et on vous invite à assimiler ce nouveau mot que vous voyez ici, digirectal. Une société digirectal est une société qui fait l'impasse sur ceux qui l'auront toujours dans le fion. Ça ne sert à rien de croire qu'un jour tout le monde y arrivera. Il faut acter le fait qu'une partie de la population, que ce soit une personne ou un million, on s'en fout, mais que pour partir d'une partie de la population, le digital ne sera jamais possible. Et donc, contre la société digirectale, c'était le syndicat des immenses. Merci Roberto. Et bravo à tous. Un slogan avec digirectal? Quelqu'un a une idée? Alors, il y a une autre dame qui voulait intervenir. C'est fait pour. Vous filmez pourquoi, vous? C'est privé. Ah ouais, c'est... Ouais, j'ai failli avoir une petite caméra comme ça. Digital vient de digitus. Et donc, la fleur digitale, c'est parce qu'on peut mettre son doigt dedans. Donc, c'était assez recherché. Hein. Merci pour cette précision. Bonjour tout le monde. Moi aussi, je ne parle pas bien français. Je suis Madame Atiya Fatia. J'habite à Bruxelles très longtemps, 30 années. Première fois, j'ai occupé toujours de mes enfants. Et maintenant, j'ai le temps, j'ai pris à écrire et à parler. Mais... Merci pour l'État et la fille l'école pour tout le monde. Il ne crée pas et parle pas. Je veux demander à l'État pas laisser ne prendre le rendez-vous difficile avec le téléphone, avec SMS. Je ne comprends pas lire et prendre le rendez-vous difficile à la mutuelle, à la banque, à la poste, à beaucoup de bureaux. Il faut prendre le rendez-vous, donc difficile, les gens pas écoutés, les gens ne parlent pas, les gens n'écrivent pas. C'est très difficile, on va penser à tout le monde. Merci. Merci. Beste vrienden, we zijn samen, hè? Dat is geen probleem, hè? Frans of Nederland, dat is gelijk. Oké, okay. Maintenant, un premier témoignage, enfin quelques témoignages d'apprenants vont être lus ici par Isabelle. Voilà, le micro est à toi. Ce sont des témoignages qui ont été recueillis par les... Ce sont des témoignages qui ont été recueillis, j'imagine, à lire et écrire et dans les associations. Le premier. Je trouve très difficile de ne plus pouvoir régler des choses par téléphone ou par rendez-vous. Comme écrire est difficile pour moi, je dois toujours dépendre de ma voisine ou de mon assistant social. C'est très gênant, je dérange tout le temps. Cela donne... Excusez-moi, mais il y a un écho et donc c'est difficile de lire. Cela me donne envie de ne plus répondre, de ne plus défendre mes droits. Je laisse de plus en plus tomber les choses. Vous lire le témoignage de Josiane. Moi, je n'ai pas d'ordi, pas de téléphone. Mais souvent, je demande aux gens d'utiliser leur ordinateur. Des jeunes que je croise dans la rue. Je vais aussi parfois dans les cafés culturels, mais on peut juste utiliser l'Internet 20 minutes. Dans les bibliothèques, c'est seulement pour les habitants. Et moi, je n'ai pas de logement. Pour écrire, c'est difficile de bien comprendre ce que je dois écrire pour accéder à mes droits. M'informer, formuler une demande, oser en faire, joindre des documents. votre témoignage. Il y a 2 semaines, j'ai téléphoné à l'assurance. J'étais 26e dans la file d'attente. Je n'ai jamais eu de réponse et j'ai dépensé tout mon crédit. Tout ça pour essayer de prendre un rendez-vous. Prendre rendez-vous, ça se fait désormais en ligne. Pour ceux qui n'y arrivent pas, il reste l'alternative téléphonique. Mais dans la pratique, la ligne est souvent occupée. Alors après plusieurs tentatives infructueuses, ils abandonnent. Rendez-vous loupé, dossier classé. Merci Isabelle pour ce témoignage. Et alors, vous avez la chance parce qu'il y a des musiciens parmi nous qui sont... Ils sont où? Ils sont là? Et moi, je vous propose qu'ils commencent à jouer un petit peu, non? Et on reviendra des témoignages ensuite. Travailler à lire et écrire ? Oui, oui, oui, tout à fait. Ben, du coup, j'avais une petite question, mais ça fait déjà plusieurs années hein, que c'est chaud dans le milieu, dans le travail. Alors nous, c'est la 3e année qu'on fait sur les questions de la fracture numérique. Ben oui, je suis là depuis le micro aussi. J'entends pas bien, en fait. Non ? Vous n'entendez pas bien ? Un tout petit peu plus loin. Ouais. Oui. Je pense que j'ai des problèmes d'audition, mais... Oui, mais le micro ouvert aussi, il est là depuis 3 années. Il suit un peu chaque année à cette période-ci, c'est un peu la campagne. Oui, tout à fait. Donc, je demandais, voilà, maintenant, les gens sont... Vous mobilisez les gens à être un peu dans la rue, ici, en face de la commune. Alors, c'est vrai que pour les gens, les guichets, ils sont tous fermés avec le Covid. Et ils ne se sont pas rouverts. Et donc, de plus en plus, les difficultés s'accumulent aussi... Et je pense qu'effectivement, ça devient très compliqué pour tout le monde. Mais oui, oui, mais ça, je pense que même les gens qui ne sont pas à lire et écrire, hein, c'est ont des difficultés à trouver du cash. C'est encore plus difficile pour ceux qui ne savent pas écrire, évidemment, savent pas lire. Mais c'est vraiment un fait de société, quoi, la digitalisation. Mais du coup, je me demandais un peu la tactique, quoi, parce que... On aurait envie plus d'aller dans la maison, c'est pour rigoler que je dis ça, hein, mais d'aller dans la maison communale, aller les chercher, quoi. Ouais, alors ce qu'il y a, c'est que, c'est ce qu'on disait un petit peu, hein, on ne cible pas la maison communale de Skarbek en tant que telle, parce que c'est vrai qu'à Skarbek, il y a quand même une dynamique, il y a une réflexion, et je pense qu'en fait, ils sont assez à l'écoute. Ici, c'est plus le symbole d'une maison communale, et puis c'est Skarbek parce que Skarbek, c'est Claire Failly, et que c'est lui qui, au niveau bruxellois, est vraiment en charge de la digitalisation. Mais c'est vrai qu'on a envie d'aller les titiller un petit peu, ouais. Ouais, parce que vous, en gros, vous prenez la position, oui, quand même, ils sont gentils, c'est sûr. Mais à un moment donné, il faut, vous voyez bien que ça fait 3 ans que ça ne fait qu'empirer, on va dire. C'était juste la stratégie pour se faire entendre, c'est quoi, en fait, c'est comment, hein. C'est ça ici, faire de la musique. La stratégie, silence. Oui, gros silence. Il y a ici, il y a la mobilisation qui est symbolique, il y a une lettre ouverte qui circule. On l'a entendu. Hein. Et qui a récolté énormément de signatures d'associations. Maintenant, oui, il faudrait pouvoir aller plus loin. Il faudrait qu'on puisse en parler avec les ministres. Après, ça vient de l'Europe aussi. Chacun se renvoie toujours un petit peu la balle. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de débat de société non plus vraiment sur... Est-ce qu'on a vraiment envie de se retrouver tous face à des robots quand on fait ses courses? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien aussi, c'est qu'il y a un débat de société sur est-ce qu'on veut en fait cette numérisation qui nous est imposée simplement sous prétexte de faire des économies, etc. Mais c'est même pas, c'est sûr que ça, que c'est tellement, tellement économique, mais enfin voilà, oui. Mais il n'y a pas de débat de société, ça, non, c'est sûr. C'est ça le problème. Merci, hein. Oui, avec plaisir. Bon, c'est quoi la suite alors? On a appris à bien écrire. Mais il n'empêche que je suis opposé à l'obligation de connexion à Internet. Et je n'aime pas beaucoup quand on utilise le terme dématérialisation des services publics ou d'autres choses. Parce qu'il ne s'agit pas vraiment de dématérialisation. Hein. Derrière l'utilisation de la connexion Internet, il y a beaucoup de matériel. Il y a des matériaux rares, d'autres moins rares. Il y a des mines. Il y a des enfants qui meurent, exploités dans les mines. Il y a des enfants et des adultes qui meurent dans des guerres qui sont nécessaires pour procurer tous les biens matériels qui nous permettent d'utiliser la numérisation galopante. Donc, je préférerais que, plutôt que de parler de dématérialisation des services publics, on parle de déshumanisation des services publics et des relations. Merci. Alors, merci, monsieur, pour... cette remarque sur la déshumanisation plutôt que dématérialisation. Et une autre dame veut prendre la parole. Allez-y. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Gabaté Fatim. J'habite à Skarbek. Quand même, je ne parle pas bien français. Je prends à lire, écrire à Belgique. Donc, là où elle a voté, s'il a arrêté ça, alors c'est pas bien pour nous. Donc, il y a beaucoup de personnes comme moi, quand quelqu'un n'est pas aidé dans les guisets, ça va pas. Donc, nous, on n'est pas voté ça. Donc, c'est ça. Alors, au revoir tout le monde. Vous êtes déjà venu, oui. Mais c'est pas grave. Je veux parler arabe, français, traduire. Salam alaikum. Ana arabia, mel Maghreb. J'ai la nationalité belge. Ou ken goulou, ken ndafou à la l'houkouk d'yel insan, li me kei kara, me kei ktib, me kei hdar, le françaisouia. ديفيسيل على الناس اللي كيجيو من المغرب وبدول اخرى خصهم يتعلموا يقراو ويكتبوا وديفيسيل عليهم مع ولادهم الى دومونديو لهم يفدوا لهم الرانديفو انا نهضر عليا مي كندوموندي لبناتي اجي رفدي لي الرانديفو بالتليفون يفو با كيريفيزيو كندوموندي لشي واحد من الجيران كان يعياو بينا خصنا نعتمدوا على نفسنا خصنا ان نتعلموا نقراو ونتعلموا نكتبوا وهذا الشيء اللي خرجوا من كوفيد 19 لدابا خصنا نرفضوا رانديفو مع التليفون ومع اس ام اس راه ديفيسيل على بنادم اللي ما يكتبش وما يقراش والناس الكبار كيشدوا بروبليم ديفيسيل وخصنا نقراو ونكتبو ونتعلمو وخلي الدولة نطلبو بها تخلينا بحال قبل نمشيو للوبيتال نمشيو للبنك نمشيو للليبيغو سون لو رانديفو ديال تليفون ولا اس ام اس راه ديفيسيل علينا وحنا كنديرو جهدنا ني في تو بوسيبل بور ليغ اي ايكري مي نو فوار اي انا لي جون اي ساف با باسكو لي لي فيي لا باسي ان طون اي كومبرو با ليغ اي كومبرو با كومو يوا فير برونر ان رانديفو كومو يوا فير سا نو فا بونسي ا تو لو موند اي ميرسي. Merci beaucoup. J'ai parlé avec Ok, merci beaucoup. Oui, oui, encore un témoignage, c'est parti. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors moi, je suis ici parce que je suis assistant social et aussi membre du collectif Travail Social en Lutte. On est un collectif de citoyens, de chômeurs, avec ou sans papiers, de travailleurs sociaux, et on est contre la déshumanisation des services publics. On a manifesté devant les bourses d'études, on a manifesté devant le SP Finance, on a manifesté devant la CSC, et la seule réponse qu'on a à chaque fois qu'on a une interpellation, c'est passer en ligne, envoyer un mail, passer un appel. On en a marre, vous en avez marre, on n'en peut plus. On recommence à faire une manifestation ce 15 septembre devant la CSC Schaerbeek, car la seule réponse qu'on a eue, c'est « on ferme le centre de Schaerbeek ». Après avoir lutté depuis des mois, c'est une situation qui est inacceptable pour pas mal de gens. Un contact humain ne remplacera jamais autre chose, c'est toujours mieux. L'ouverture d'une porte, c'est l'ouverture d'un droit. On a droit à avoir des contacts physiques avec des travailleurs, on a droit d'être rencontré, d'être écouté, on en a marre de dépenser notre crédit en appel, on en a marre d'avoir des mails auxquels on ne nous répond plus, on en a marre de devoir prendre des rendez-vous en ligne sur des plateformes comme My1030 qui ne fonctionnent pas. On n'a pas tous une carte d'identité électronique, on ne maîtrise pas tous une des trois langues nationales, on a le droit d'être reçu, vous avez le droit, chacun en tant que citoyen, d'être reçu. Si vous êtes d'accord avec tout ça, on vous invite à venir le 15 septembre devant la CSC Schaerbeek pour militer une fois de plus pour que nos droits soient respectés. Parce que l'ouverture d'une porte, c'est l'ouverture d'un droit, de nos droits à tous. Et j'en ai un autre. Les guichets numériques, toujours une histoire de fric. Les guichets numériques, toujours une histoire de fric. Vous êtes formidables. Témoignage suivant. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Moi, j'ai un problème parce que partout où on va, on demande toujours si j'ai pas un mail. Je dis, moi, j'ai pas de mail. Et vous avez pas d'enfants? Je dis, mes enfants, ils ont pas ça à faire. Ils ont leurs études et tout. Et j'ai des copines qui viennent toujours chez moi pour que moi, je puisse les aider. Je dis, mais moi, je demande déjà à mes enfants qui m'aident. Comment voulez-vous que moi, je dois vous aider? La dernière fois, j'étais dans une maison médicale et j'ai demandé une ordonnance. Il m'a dit, madame, ça se fait par un mail. Je dis, moi, j'ai pas de mail. Donnez-moi une ordonnance comme avant. Je vais chez vous, vous me donnez une ordonnance et je m'en sors bien. Je téléphone pour les hôpitaux prendre un rendez-vous. Vous devez prendre un rendez-vous par mail. Mais partout où on va, il n'y a que deux mails. À la poste, il faut un mail. À la commune, un mail. La mutuelle, elle est fermée. Partout, vous devez aller pour la pension. C'est pour un mail. Mais alors, il faut mieux qu'on le fait crever à moi. Comme ça, on ne vit plus. Merci beaucoup. Avant de passer à la suite, je propose qu'on remette un peu de musique. Ouais ? C'est possible ? Du coup, moi, je parle. Je rencontre les gens un peu. Bonjour ? Pas parler ? Hein ? Vous dites ? Je vais parler là tout à l'heure. Ah, vous vous concentrez ? Bonjour ? Moi, je suis un micro, je suis la radio, il n'y a pas d'image, je papote avec les gens le temps de la musique. Alors, qu'est-ce que vous... Bah, moi, je trouve que la numérisation, c'est vraiment débile. Et comme le slogan le dit, ben, il faut vraiment mettre d'abord du lien et que le fric, c'est une autre histoire. Alors bon, il n'y a pas seulement le monde de l'alpha. Voilà, voilà. Il y a ceux qui ne veulent pas l'utiliser. Si je ne veux pas utiliser Internet, on est vraiment classé hors du coup. Ben non, on n'a pas une société duale. Non, pas encore une société duale. Donc il faut vraiment agir pour que les services restent comme ils sont et pas avec des rendez-vous qui sont tout à fait débiles, quoi. Mais on se demande comment est-ce qu'on peut attaquer, parce que ça fait déjà plusieurs temps et on n'entend pas les gens, quoi. On n'entend pas ce qu'ils disent. Comment, je parle de la tactique, la stratégie pour se faire entendre. Ah bah oui, bah ça c'est une bonne question. Bah, voilà, moi je ne suis pas dans les comités d'action, mais je participe à l'action. Ouais. Merci à vous. Vous êtes une dame qui vous promenait avec votre vélo. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ah ben tiens, bonjour. Non, vous avez peur? Et vous? Ça va? Allez. Ça va? Oh mon Dieu. Elle est très forte. Elle est très forte, elle? Oui. Elle est très forte. Ça va? N'ayez pas peur, c'est juste un micro. Regarde. Il est gentil. Ah, vous venez? Pardon? Mais voilà, le temps de la chanson, moi je venais un peu écouter ce que disent les gens par rapport à ce qui se passe ici maintenant. Vas-y. Bien voilà, c'est Lire et Écrire. On est là pour réclamer contre le fait qu'il n'y ait pas assez de lieux pour accueillir les gens. Ben oui, mais de toute façon, on suit le truc. Hein, mais c'est, je veux dire, moi, j'ai envie de dire, c'est un peu tous les gens, c'est pas simplement le monde de l'alpha. Alors, le monde de l'alpha, il est directement touché, évidemment, mais ça devient un fait de société, quoi. Je discutais avec une dame, là, qui disait aussi... Tout le monde se retrouve à la même enseigne, finalement. On est tous perdus devant... Pas touchés de la même manière, disons. Ça, c'est vraiment ici les gens qui sont touchés directement. C'est ça. Monsieur, tout le monde déjà réclame. Mais alors, on s'imagine des personnes qui ne savent pas lire et écrire. Ils sont encore plus démunis devant tout ça. Et en effet, on demande plein de mails, on demande des SMS, on demande... C'est sur les prescriptions sur la carte d'identité. Mais alors, si on n'a pas de carte d'identité, comment on fait? Enfin, déjà, trouver un médecin... Tout ça est de plus en plus problématique, quoi. Mais il y a même les vieux, hein, tous les vieux aussi, c'est compliqué tout ça. Enfin, moi, je me demandais la stratégie, parce qu'ils ont l'impression que la commune, on n'entend pas, le politique n'entend pas. C'est quoi la stratégie pour se faire entendre? Comme maintenant? Bah oui, comme maintenant. On chante des chansons? On fait affaire. Merci. À la commune, à plein d'autres administrations pour aider les gens. Alors la dame le disait juste avant, ben, les enfants doivent commencer à aider les parents pour faire ça. Alors vous imaginez votre enfant de 12 ans qui vous aide à avoir votre chômage. C'est quand même assez impressionnant de devoir s'en remettre à ses enfants pour faire des choses que normalement on devrait pouvoir faire tout seul. On devrait avoir la possibilité de le faire tout seul en allant à la commune, en allant dans ces choses-là. Et alors les enfants, ben, ils sont à l'école normalement, donc ils rentrent de l'école, il est 4h. 4h, c'est l'heure où d'habitude les administrations, elles ferment. Donc c'est aussi une énorme pression. Il y a des parents peut-être qui empêchent leurs enfants, où les enfants ne vont pas à l'école pour qu'ils soient aidés pour les démarches administratives. Donc moi, tous les jours, je vois des personnes qui viennent avec leurs enfants, qui doivent parfois faire la traduction pour eux aussi. Donc c'est assez compliqué, c'est une grosse charge sur la famille. Ça demande aux enfants de grandir plus vite que nécessaire. Je trouve ça très, très important de le signaler quand même. Et merci. Et alors une autre chose... C'est aussi tous ces trucs des mails dont on parlait, c'est des gens qui viennent, qui n'ont pas encore la maîtrise des emails et qui viennent au service social pour demander s'ils ont une réponse à leur email, pour qu'on regarde, pour qu'on relève leurs emails. Donc c'est, si on fait le parallèle avec la boîte postale, ça voudrait dire qu'ils viennent nous demander d'ouvrir leur boîte aux lettres. C'est quand même assez impressionnant. Donc on demande aux personnes de passer par un canal qu'ils ne maîtrisent pas et c'est une obligation. Alors que je crois qu'on pourrait prendre rendez-vous ici facilement, ça pourrait facilement s'organiser de prendre rendez-vous ici à la commune, au guichet, de pouvoir prendre rendez-vous par téléphone, parce que je ne crois pas qu'on puisse prendre rendez-vous par téléphone. Si on téléphone, on nous dit que ça se fait en ligne. Alors, ben maintenant j'étais au téléphone, pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Alors si j'avais un peu plus de temps, j'aurais fait l'exercice, j'aurais mis mon téléphone sur le micro, j'aurais appelé l'accueil de la commune, on va leur éviter le ridicule. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le témoignage aussi. Et on va enchaîner avec une autre lecture de témoignage avec, avec Nicole. Bonjour. Donc, comme ma première... À mon avis, j'ai... Un, deux. Donc, comme ma collègue, ce sont des témoignages d'apprenants de différentes associations. Je vais mettre mes lunettes, ça ira mieux. Maintenant, avec la fermeture des guichets, tu payes 3 euros quand tu veux un virement papier. Tu trouves ça normal, toi, de nous pénaliser deux fois ? On doit automatiser les droits. Il y a trop de démarches. Il faut un lecteur de cartes, une adresse mail, se souvenir de son code, avoir une connexion, un ordinateur et des compétences. Tout ça, ça devrait être facilité. Il faut des lieux pour aider les gens. Comme je n'ai qu'un smartphone, je ne parviens pas à faire des démarches en ligne. J'aurais besoin d'un ordinateur. Que je n'ai pas. Faire des virements, c'est compliqué. J'ai perdu ma carte de chez Cropa. Je n'ai trouvé nulle part un numéro de téléphone. Il n'y a nulle part où aller pour parler de ton problème pour qu'on t'aide. Si tu appelles, ils ne répondent pas. Ou c'est plus d'une heure d'attente et pendant les heures de travail, tu n'as que 30 minutes. Alors, c'est impossible. L'employé de l'agence m'a dit tout haut, mais si tu ne sais pas utiliser une carte de banque, pourquoi en avoir une ? Et là, j'ai eu la honte de ma vie. Parce que louper le train du numérique, c'est faire face à l'incompréhension de certains employés et parfois s'exposer à de violences verbales et du dénigrement. Et tout cela dans des lieux publics, le bus, la commune, la banque, etc. Face à de nombreux témoins. C'est pourquoi nous voulons du respect. Nous voulons des guichets. Comme Fatia, si j'ai bien ne pas écorcher son nom, a repris le micro une deuxième fois, je me permets, juste pour rajouter une petite phrase. Notre ami militant de Travail social en lutte a dit tout ce que je voulais dire sur la question. Je vais juste rajouter une phrase. C'est le fait que la CSC soit fermée. Or, un syndicat, si j'ai bien compris, c'est ça qu'on fait au syndicat des immenses, c'est un groupe de pression pour rééquilibrer un rapport de force qu'on a identifié comme étant totalement déséquilibré. Et donc que l'État, alors l'État, on ne sait jamais très bien ce que c'est, ou on sait trop bien, mais les gens qui ont dans leur core business de rééquilibrer les rapports de force sociaux n'aient pas compris la gravité de la digitalisation tous azimuts est peut-être la chose la plus grave dans cette aventure. Je voulais juste dire ce message et j'ai oublié de dire... Merci, vous revenez de la musique. Le soleil est avec nous. C'est ça. On va dans les Caraïbes. Quasi. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est la radio, il n'y a pas d'image, hein, on ne vous voit pas. C'est juste que vous, qu'est-ce que vous faites là, vous, alors, monsieur? Je ne fais pas partie de groupe, j'étais juste... Ah ouais, mais c'est tant mieux, moi j'aime bien, parce qu'en fait, ce qui se discute là, c'est un peu la société en général, c'est pas que lire et écrire, vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Non? Bien sûr, bien sûr. Moi, je vais ici, j'étais en train d'aller faire... Les courses. Voilà. Et je trouve que c'est très intéressant la manière avec laquelle elles réclament et leurs droits, surtout avec cet esprit carnavalesque que j'apprécie surtout ici en Bruxelles. Oui, mais... après on a envie de comment se faire entendre en fait. Hein. Exactement. Ça, exactement. Hein. Comment se faire entendre parce qu'il y a la musique et tout ça, mais hein, ils sont là. Oui. Et je crois que le problème de digitalisation n'est pas juste un problème sociétal, il y a une sorte d'exclusion entre plusieurs classes maintenant, surtout entre les gens qui ont accès et qui ont le capital culturel pour avoir accès et utiliser et se faire entendre et faire partie de la société. Voilà. Et donc je trouve que c'est très important d'en parler et surtout d'occuper les espaces publics pour se faire entendre. Oui, oui, il y a ça, mais par exemple quand on parle des banques, on sait bien qu'il y a plein de distributeurs qui disparaissent, hein. Je veux dire, ça touche tout le monde, quoi. Effectivement, c'est une lutte quotidienne juste pour trouver un guichet, hein, ici à Bruxelles. Ce que j'arrive pas à comprendre, franchement, hein, c'est un peu absurde quand même. Mais on a envie d'avoir des explications sur ça. Hein. Normalement. Voilà, on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est longtemps, non? Qu'est-ce qui se passe? Exactement. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Vous aussi. Ça va, monsieur? Bonjour. Je préfère pas trop, je suis désolé. Ah bah, si vous préférez pas, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, c'est ça, les amis de la Terre, ils sont là. Salut! Hein, comment ça va? Ça va très bien. Merci. Alors, qu'est-ce que vous faites là, vous? Alors, on est là pour dénoncer la déshumanisation des services publics, parce que en tant qu'amis de la Terre, on considère que c'est absurde de le tout au numérique qui a lieu à l'heure actuelle et de plus en plus ces dernières années dans les services publics. Et donc on se joint à l'action de lire et écrire qu'on trouve super, super importante de mettre en avant. On devrait être pas mal de gens en fait, parce que ça touche tout le monde. Hein, c'est pas... Mais vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Ah bah parce que ça coûte moins cher. Il y a cette raison-là, il y en a d'autres. C'est probablement, ils vont dire aussi que c'est plus fiable que l'humain, parce que l'humain peut faire des erreurs, parce que ça va plus vite, soi-disant. Pour moi, c'est une façon pour les administrations de se décharger, de un, de leur travail, deux, de leur responsabilité, parce que s'il y a une erreur, c'est forcément celui qui a rempli le formulaire en ligne de travers qui a commis l'erreur. Et aussi, Jean-Pierre évoquait tout à l'heure la question du matériel. Il y a beaucoup de matériel qui est nécessaire, ça pollue beaucoup. Et en fait, ce sont tous les individus qui sont obligés d'acheter du matériel numérique, peut-être de remplacer du matériel numérique dont ils auraient pu se satisfaire pour... Il faut déjà avoir les moyens de ça aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est en fait quelque part un déni de responsabilité de la part des grands opérateurs et des administrations. Mais c'est ce qui est impressionnant, c'est qu'il n'y a pas de... les gens n'ont pas leur mot à dire, quoi. Ça s'installe comme ça, pac. Hein. C'est ça qui est impressionnant aussi. Ça s'impose, quoi. Oui, et comme on l'a vu tout à l'heure, même quand on s'adresse à l'administration pour dénoncer ça, on nous demande de s'adresser à la machine. Donc, on tourne en rond, c'est le serpent qui... Oui. À un moment donné, il faudra rentrer dans la commune. Tout à fait, oui. Il n'y a pas le choix. Tous les acquis sociaux se sont gagnés comme ça. Mais conquis. À coup de, vous voyez. Mais conquis. Conquis. Conquistador. Et toi? Bon, il ne reste plus beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut encore quand même faire un petit saut? Quand même, il y a des gens. Qui restent. Oui. Avec les survivants. Ouais. Les survivants du numérique. Ouais. Alors un petit, là, comme ça, facile aussi. L'exclusion numérique. 4 bêtes sur 10 en Belgique, c'est dur. Ah, c'est 4. Tu peux répéter la question? Je vais le dire lentement et après. Donc, exclusion numérique, virgule. 4 Belges sur 10 en Belgique. Ah ouais. Attention. Non, mais c'est dur avec la langue et les dents, là. L'exclusion numérique. 4 belles sur 10 en Belgique, l'exclusion numérique. 4 belles sur 10 en Belgique, l'exclusion numérique. 4 belles sur 10 en Belgique. Un bel exercice de diction pour vos apprenants. Et j'en ai encore un autre un peu plus long. Attention. Le numérique. Ça va? Propose toujours plus de clics. Vous venez d'arriver? C'est ça, le numérique et ça clique, propose toujours plus de... Vous venez d'arriver? Oui, il y a 10 minutes. Vous étiez au courant de ce qui se passe ici, non? Oui, j'étais au courant, mais c'est par hasard que... Et vous en pensez quoi? Mais j'étais au courant, oui, oui. Ouais. Vous en pensez quoi? Pardon? Vous en pensez quoi de tout ça? Je trouve que c'est tout à fait... très judicieux, c'est vital, c'est... Et encore un argument en plus, c'est que on va vers le temps des effondrements et que peut-être demain, un gigantesque bug informatique ou un gigantesque bug d'électricité. Et donc, ce n'est pas seulement pour les analphabètes ou les paumés sociaux, c'est toute la société qui est concernée. Fond, mais oui, mais oui, mais oui. Mais oui, c'est ça. Et moi j'ai fait 4 ans d'université, j'ai mon diplôme, mais j'ai les mêmes difficultés que les apprenants ici. Voilà, tout le monde n'a pas ce type d'intelligence-là. Mais voilà, voilà, c'est vrai. C'est ce qu'on se disait pour finir allez, cette heure qui vient de se passer, c'est qu'en fait, oui, il y a les apprenants, il y a lire et écrire, mais en fait, c'est un fait de société. Oui, faire une demande oui, de documents, remplir des formulaires, mais je ne connais rien, je ne sais rien faire. J'ai honte de toujours devoir demander de l'aide. Sans l'aide des gens, je suis foutue, je ne peux pas avancer. Avec le numérique, c'est très dur d'ouvrir une porte pour demander de l'aide. Bonjour, monsieur. Un petit bonhomme en mauve. Tout le monde n'est pas capable de suivre ce mouvement. Les politiciens doivent s'en rendre compte. Actiris veut m'envoyer des SMS. Moi, les SMS, je ne les regarde pas. Mon téléphone ne me sert qu'à téléphoner. Je peux recevoir un courrier papier. Et oui, parce que le problème avec le numérique, c'est qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on ne peut plus faire marche arrière. Même si on explique aux conseillers qu'on préfère recevoir les informations via un courrier postal, pour en garder des traces et se faire accompagner pour le lire et le comprendre plus tard. Digital, par défaut, non. Face à face, par défaut, oui. Oui. Digital, faux, non. Face à face, par défaut, oui. Digital, face à face, oui. Digital, par défaut, non. Face à face, par défaut, oui. Oui. Merci. Quelqu'un d'autre peut-être? Je vous en prie. Bonjour. Je voudrais ajouter un tout petit argument, c'est que c'est dangereux pour toute la société de mettre tous ces œufs, qu'on nous encourage à la société de mettre tous ces œufs dans le même panier. Un, deux, un, deux. Il y a la preuve que je ne sais pas utiliser ces machins-là. Bon, c'est dangereux pour toute la société de mettre, comme on dit, tous ses œufs dans le même panier. Et peut-être demain, une panne d'électricité générale fera que toute la société sera bloquée ou un bug informatique général ou une cyberattaque. Donc c'est toute la société qui est concernée, pas seulement ceux qui n'ont pas ce type d'intelligence-là. Voilà, merci. Merci. Bon, ben, c'est la fin, hein. Ça sent la fin. Ça sent la fin, oui, pas mal. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Eh bien, je pense que ce genre de manifestation a vraiment tout son sens parce qu'on se rend compte ici que nos apprenants ont énormément de problèmes avec le numérique. Enfin, déjà que c'est difficile de se faire comprendre face à une personne, mais finalement, enfin voilà, quand on est au téléphone, c'est deux fois plus compliqué. On a affaire à un public qui n'a pas les moyens, et du coup, voilà, lui demander de payer une facture téléphonique ou alors une facture du câble supplémentaire pour pouvoir avoir un accès à Internet, eh bien, c'est juste impensable, au fait. Donc oui, j'espère que ce genre de manifestation portera ses fruits. Et sinon, ben, on sera là pour la prochaine, c'est évident. Pour la prochaine, à chanter des chansons aussi. À chanter des chansons, à danser, à crier des slogans. Mais si ça ne change pas, quoi, vous recommencez? On ne perd pas espoir, ça va changer. Ben oui, mais pas simplement, peut-être en chantant des chansons. Non, en effet. Mais après, sur le terrain, on fait aussi un travail. Enfin, mais à partir d'un moment, il faut conscientiser l'État aussi. Il le sait, il est au courant, l'État, puisque là, vous parlez de lire et écrire, c'est sûr. Oui, en effet. C'est les premières personnes qui sont touchées, mais ça touche tout le monde, en fait. Ça touche tout le monde, en effet. Aussi, j'imagine. Oui, de toute manière. Mais vous savez plus vous défendre, mais je veux dire, on arrive dans une société où on aimerait bien qu'on soit plus connectés en vrai. Dans la vraie vie, quoi. On doit tout passer par Internet. On est tout à fait d'accord. Le Covid a changé ça et on aimerait bien revenir vers une société qui ressemblait à celle d'avant. Et donc, on va tout faire pour y arriver. Mais maintenant, oui, je ne suis pas sûre au fait que l'État ait vraiment conscience qu'il y ait des personnes qui... Enfin, ou du moins, n'ont pas conscience du nombre. Et je pense que c'est justement en montrant qu'on est nombreux et qu'on ne lâchera pas que les choses vont changer. Moi, j'ai une autre vision, c'est que l'État est au courant, hein. L'État, le gouvernement est au courant. Seulement, il fait. Et tant que les gens ne disent rien, ça ne pose pas de problème. Mais quand les gens ne se laissent pas faire, bougent, mais vont aussi activement faire des choses, alors là, l'État, il recule en arrière. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, parce qu'il y a une dame qui nous écoute, là. Mais donc, l'idée, c'est... Faut pas prendre l'État et le gouvernement pour des débiles, hein, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, ils savent bien, je veux dire, par exemple, les guichets de banque, tout le monde est concerné, il y en a de moins en moins, c'est pas simplement lire et écrire, vous voyez, ça touche la société en entier. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire ? C'est très important que ceux qui veulent prendre la parole ou qui ont le courage, qui doivent le faire, parce qu'on voit les élèves dans notre classe qui n'osent pas, ou qui... Lire et écrire aussi, vous ? En irlandais, plus lire. Ils se sentent déjà en dehors de la société à plusieurs niveaux, dans plusieurs problèmes quotidiens dans leur vie. Donc, ils n'ont pas de voix. Donc, c'est ensemble qu'on doit faire sonner l'alarme. Oui, ensemble et surtout trouver des stratégies d'attaque. Hein, parce que, je ne sais pas, ouais, comment... Peut-être il faut être beaucoup. Les services même l'ont compris. Même le... Les services eux-mêmes l'ont aussi compris. De quel service vous parlez ? Les services publics eux-mêmes ont aussi compris. Bah oui, évidemment. Évidemment, ils doivent être confrontés à avoir plein de problèmes avec les gens. Ben oui. Merci. Hein. Les problèmes ne font que s'aggraver si on attend. Bah évidemment. Et puis la perte de droits aussi. Mais oui. Nous sommes en contact. Même ceux qui sont partis. Afin de nous mobiliser de plus en plus fort contre la dématérialisation des services et la déshumanisation, comme ça nous l'a été rappelé. Alors, à vos agendas, des rendez-vous sont d'ores et déjà fixés pour faire de nouvelles files et rassemblements devant d'autres institutions. Si vous avez des idées de mobilisation, n'hésitez pas à contacter et réécrire, on pourrait vous rejoindre. Aussi, nous vous tenons informés des résultats de l'envoi de notre lettre ouverte à différentes institutions et au monde politique. Et comme ça a été dit tout à l'heure aussi, rendez-vous le mardi 15 novembre à deux endroits. La Maison de la Francité pour une conférence sur la dématérialisation d'Actiris. Aussi le 15 septembre devant les bureaux de la CSC à Scarbeck. C'est ça, hein ? Voilà. Et un autre rendez-vous le 15 novembre à une conférence débat sur la dématérialisation de l'Office bruxellois de l'emploi. Voilà. Et donc, et prochainement, n'oubliez pas qu'il faut aussi se mobiliser contre l'ordonnance numérique en cours d'élaboration. Et voilà, donc à bientôt, c'est pas fini.